Time for the juke joint, baby. Yeah. The Blues Cafe. 2023, les 35 ans du Salès Blues Festival. Cette année, nous avons le bonheur de fêter la 35e édition du festival. Amandine Vassieux, directrice du festival. Salès Blues Festival. Alors Salès, on va le situer déjà géographiquement, mais je pense que tout le monde connaît ici. Mais pour les millions d'auditeurs qui nous écouteront par la suite, il faut peut-être situer. Donc c'est en France déjà. Alors voilà, Salès, c'est en France, c'est extrêmement facile d'accès. C'est à 35 minutes de Lyon, à 20 minutes de Vienne, à 30 minutes de Valence. C'est un tout petit territoire qui a la chance d'être effectivement en Isère, comme ici, mais très proche du 69, très très proche du 42, encore plus proche du 07 et à côté du 26. Donc en fait, à la croisée des chemins. Alors, si tu veux bien, on va déjà aborder la programmation majeure. Ça commence le vendredi soir. Ensuite, il y aura le samedi. On parlera peut-être rapidement un petit peu de tout ce qu'il y a autour. Le vendredi soir. C'est pour moi l'occasion de vous présenter la programmation du vendredi soir et surtout de rappeler, par l'intermédiaire de Francis, d'un partenariat qui existe entre le Festival de Cahors et le Salès Blues Festival. Et j'en parle parce que le premier groupe qu'on accueillera vendredi 31 mars, c'est les Little Big Sisters. Et c'est un groupe qui a fait partie du tremplin de l'année dernière à Cahors, qu'on a repéré, puisque en fait j'ai eu le bonheur d'être invitée comme jury et qu'en tant que jury on s'engage à repartir, on va dire, sous le bras avec un lauréat et à lui proposer une scène professionnelle dans un des événements majeurs français et étrangers, puisqu'on a des collègues étrangers qui sont là. Donc ça sera Little Big Sister. Ensuite nous accueillerons Muddy Gurdy, avec une belle spécificité musicale, une vielle à roue. Et puis on terminera cette soirée avec Case Hawkins qui viendra défendre son nouvel album. Et elle nous fait le plaisir de venir sur scène avec une section cuivre, alors de soufflant plus que cuivre, mais elle sera accompagnée à cette occasion par 4 musiciens qui ont participé à l'enregistrement de l'album et qui vont faire une partie des tournées avec elle, dont celle le concert de Salès, puisque ça sera son album sort en ce moment en fait. Case Hawkins, qui est une immense artiste d'origine irlandaise mais qui habite aussi en France, qui a une vie extrêmement difficile dans sa jeunesse. En tout cas, c'est une magnifique artiste et je vous encourage tous à aller voir Case Hawkins, parce que quand on l'a vu une fois, on ne l'oublie jamais. Voilà, et le samedi, alors samedi, une grande légende du blues qui sera à Salès. Tout à fait. On a le bonheur d'accueillir Bernard Allison, qui nous fait vraiment le plaisir de venir pour les 35 ans du Salès Blues Festival. Laure va vous raconter, en fait, Bernard Allison nous a déjà fait le plaisir de venir. Tout à fait, il est déjà venu au Salès Blues Festival, mais ça fait une petite paire d'années, puisque ça fait 27 ans qu'il n'est pas venu. Et là, il vient pour une date a priori unique en France, pour les 35 ans du festival. Donc nous, on était vraiment ravis qu'il accepte de nous faire ce cadeau. Et juste avant, un groupe qu'on aime beaucoup aussi, qu'on a eu ici à la fois la Blues Party et dans le Blues Café. Tout à fait, et avec une particularité, c'est les 35 ans, c'est l'année des particularités. Donc nous, en rigolant, on dit on accueille The Two au carré. Pourquoi ? Parce que The Two, sur cette date-là, seront 4. Puisqu'en fait, pareil, ils viennent de terminer une tournée et l'enregistrement d'un album. Et ils sont accompagnés de 2 musiciens, mais alors ça, c'est vraiment très très récent. Je ne saurais même pas vous dire qui sont-ils. Nous non plus. Voilà. La seule chose, c'est que c'est la blague. Donc, c'est The Two au carré à découvrir le samedi 1er avril. Il y a beaucoup de choses dans le festival. On ne va pas parler de tout. Il y a les blues and bar, il y a les blues on stage, les stages. J'aimerais quand même qu'on dise 2 mots de ce qui va se passer le 1er avril à 11h. Tout à fait. Je crois que nous sommes un petit peu concernés par cet événement. Voilà, vous avez eu la gentillesse de nous inviter pour faire un blues café. Ça fait quelques années qu'on a monté un partenariat aussi ensemble entre le Salès Blues Festival et le Blues Café, et on essaye à chaque fois de trouver un moyen de continuer ce partenariat. Et pour cette édition-là, on est ravis parce qu'on aura l'enregistrement d'un Blues Café à Salès au foyer Laurent Bouvier le samedi 1er avril à 11h. Ça sera gratuit et ouvert à tous, autant que la place le peut, bien sûr, et avec certains artistes du festival. Mais je propose qu'on garde un peu la surprise pour ceux qui viendront. Oui. Blues Café délocalisé donc au Salès Blues Festival le samedi 1er avril à 11h, voilà. Là où se déroulent les soirées du festival. Exactement. Et merci pour votre accueil. Laure et Amandine, on peut les applaudir. Et merci et bonne soirée.